pas te déranger. Autant que moi j'ai retiens mes larmes broyées, ça va rien changer. T'avais raison des fois quand tu disais que j'étais méchant. J'ai l'intention de faire attention, toi tiens-toi loin des dangers. Je me rappelle les premiers temps, les premiers printemps. On se voyait que les fins de semaine, j'allais à l'école à plein temps. C'est maintenant que je repense aux journées folles passées sur la plage mes 20 ans. T'en as fait une casserole pour que je puisse cuire nos steaks au vin blanc. Les soirées entières à danser serré l'un contre l'autre. J'en suis encore fier, le couple numéro un c'était l'autre. J'suis nostalgique, tu m'as rendu plus haut qu'un astronaute. Non, pour nous deux, y'en avait juste pas de barre trop haute. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas nos chicanes de ménage, c'est pas nos différends. Tout ça c'est rien que maudit niaisage. Et sur tes larmes salées, que notre amour a fait naufrage. Me sentais sale pogné, comme la momie dans le sarcophage. Fuck ça, ça vaut même plus la peine de se faire du mal. Si je te regarde, je vois bien que tes crises sont pas normales. Homme cherche femme, sans qu'elle soit là, c'est pas dans le journal. Je recherche celle que j'ai connue, oublie cela, c'est fait la mal. Bye bye bébé, tu sais le temps change, je sais que ça va te déranger. Autant que moi je retiens mes larmes broyées, ça va rien changer. T'avais raison des fois quand tu disais que je t'aimais changer. J'ai l'intention de faire attention, toi tiens-toi loin des dangers. Bye bye bébé, tu sais le temps change, je sais que ça va te déranger. Autant que moi je retiens mes larmes broyées, ça va rien changer. T'avais raison des fois quand tu disais que je t'aimais changer. J'ai l'intention de faire attention, toi tiens-toi loin des dangers. Après tout ce que t'as fait pour moi, je me sens tellement coupable. J'aurais aimé ça te le rendre, pourquoi j'en ai pas été capable. On a manqué de timing, même si y'a rien qui est effaçable. Rien même pas les je t'aime que je t'écrivais dans le sable. C'est drôle, chaque fois qu'on se regardait, on se mangeait cru. C'est juste fucked up, l'autre genre de flamme, y'en avait plus. On a essayé souvent de rallumer en vain, mais petit à petit, on a chacun suivi un autre chemin. Je remercie encore ce moment triste, c'était quoi une femme. C'est que mes autres dames étaient pas mal loin de se faire appeler madame. En tout cas, aujourd'hui, je me fous pas mal de nos chicanes. À condition que tu me promettes qu'on va rester amis.